بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما البابان اللذان أخذناهما في الدرس الماضي؟ باب ما من أطاع العلماء والأمراء فيما أحل الله أو فيما حرم الله. Et c'est quoi la natija de tout ça? C'est quoi la conclusion de ce du chapitre, du titre, je veux dire? Il finit par quoi, disant, c'est quoi le... C'est quelqu'un qui est ceux qui obéissent, ceux qui font les tarkoum, ceux qui obéissent aux savants et aux gouverneurs. Là, c'est pas ça, là, t'as commencé en disant le titre du bab. Par quoi il a fini, la conclusion? Celui qui a fait ça, c'est quoi? Tobi ou umara ou ulama, fi tahlil ma ahlallah ou fi tahlil ma haramallah. C'est un tafsir ou c'est du shirk? Mais il lui dit quoi le mu'allif à la fin du titre? C'est ça le shahid. Ittakhazuhum arbaban min dunillah. Ah oui, c'est vrai, ils ont pris en... Ils ont pris enseignant en dehors d'Allah. C'est donc quand tu dis le début du titre, après tu t'arrêtes là, on va dire c'est quoi le... Ah ouais, c'est vrai, bah oui. Faut que tu dises c'est quoi le hukm de cela. Tayeb. Après, c'était quoi, on avait dit tafsil? Tafsil, c'est que la personne... À quel moment il tombe dans le shirk, dans les ba'ala pour eux? Quand il rend la chose... Quand il va suivre ce alim, alors qu'Allah il a interdit une chose, lui il va la rendre autorisée avec le ilm que c'est interdit. Voilà, et en disant que cela est jaiz. Tayeb, c'est ça. Ah ben, s'il avait ça par erreur ou quoi, il ne savait pas ou il était ignorant, ça c'est pas pareil. D'où l'importance, justement, d'apprendre à faire talab al-ilm et de ne pas être un mukallid pour ne pas tomber dans ce genre de choses. Alors le mukallid, il se contente de faire ce qu'on lui dit de faire sans savoir pourquoi il l'a fait. Donc au fur et à mesure, il avance jusqu'au jour où, comme il aurait été habitué à faire le taqlid, à jamais demander pourquoi ou pourquoi, bah, il sera habitué à ça, il ne marchera que à ça. Et un jour, on craint pour lui de tomber là-dedans. Qu'on lui dise qu'il fasse une chose une fois. On lui dit, ah, qu'est-ce que tu fais là? Mais un jour, il va dire pourquoi. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, kaza wa kaza. Il va dire, mais cher Foulan, il m'a dit ça. Il a dit, cher Foulan, il s'est trompé. Et comme il est habitué tout le temps à demander au shir et à pas demander le dalil, après, il aura du mal à accepter le dalil. Pour lui, il sera concevable que son shir soit trompé. Il a dit, moi, t'as vu, je demandais à un savant. Hein, ce que tu me dis là, t'as vu, je comprends pas. Et kaza. Voilà. Et après, de fil en aiguille, il arrive au stade où il saura, et malgré tout, il ne voudra pas accepter. Où il sera trop accroché à l'individu. Cet individu, il dévie, il va dévier avec lui. Et ça, c'est une chose que beaucoup de do'at y font, malheureusement, dans leur tarbiya, avec les gens qui les écoutent, c'est qu'ils les accrochent aux individus. Ils leur donnent pas, ils leur font pas une da'wa ilmiya, du point que la personne, elle arrive à un stade où elle peut elle-même se débrouiller. En fait, ils t'apprennent à suivre. Ils t'apprennent pas à essayer d'aller de l'avant. Quand on dit aller de l'avant, c'est pas devancer le ulama. Mais c'est de comprendre les choses de toi-même autant que possible. Et quand tu ne sais pas, tu as un ulama. Alors qu'eux, ils t'apprennent que, mathalan, ils vont te faire des kutub avec des explications des ulama. Et vont te dire, nous, on te lit au ulama. On dit, tayyib, c'est bien, il faut lire les gens au ulama. Mais pourquoi tu lis au ulama? C'est quoi le but? D'arriver à un résultat final. Donc donne-lui les moyens de pouvoir, au fur et à mesure, évoluer à ce résultat final, au fur et à mesure, de plus en plus de lui-même. Donc tu auras toujours besoin des ulama, tu vois. Mais eux, c'est ça en fait. Ils disent pas, on t'accroche à Allah, son messager. Ils vont dire, nous, on vous accroche au ulama. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle se met dans sa tête? Que le alim, khalas, il ne pourra pas se tromper. C'est-à-dire, demain, il aura un hadith clair, mais comme il verra un alim qui ne verra pas ce qu'Allah, il va douter. Alors qu'il aura un hadith clair. Et il sera peut-être. Il dira, khalas, j'ai ce hadith, chir, il connaît un savant, moi je ne connais pas, je reviens à lui. Alors qu'il avait un dalil qui était clair. Les gens, ils font ça. Ou quand le alim, il parle, des fois, tu les vois, ils font une extase du call. Il dit, je sais pas moi, il y a un call dans un kitab. Il dit, quand les chir, foulen, kaza, wakaza, après, il dit, vous vous rendez compte de ce qu'il a dit, le chir? Écoutez bien, le shir, il a dit ça. Attention, les frères, le shir, ce qu'il a dit, kaza et kaza. La personne, elle a peur de qui à ce moment-là? Elle aura peur de shir, elle aura pas peur de d'Allah. Et la plupart de ça qu'ils font. Ils éduquent les gens à être des mukallidin. Ils apprennent pas aux gens à pouvoir prendre la science du alim. Non, ils apprennent aux gens à suivre le alim pour le alim, pour ce qu'il est lui-même. Et ça, c'est une grave erreur. C'est pour ça que les gens en France, ils évoluent pas, la plupart d'entre eux. Tu les vois 5 ans, 10 ans, comme en salafia, des choses de élémentaires, ils n'ont pas compris encore. Ou ils n'arrivent pas à appliquer. Parce qu'ils sont habitués à quoi, à eux? Tout le temps, des choses même de masselles qui sont claires, ils sont tout le temps dans le doute. Parce qu'ils n'ont pas été habitués à s'accrocher aux dalil. Ils ont été habitués à s'accrocher aux hommes. Donc là, il frotte ou la tafrit. On a lié les gens au ulama. Pourquoi le alim, il t'apprend? Un alim, rabbani, pourquoi il t'apprend lui?

Donc le quoi ce mu'allif, le mu'allif, rahimahullah ta'ala, avec ce bab, de montrer l'obligation d'affirmer les noms d'Allah et ses attributs. Comme cela convient et revient. Subhanahu wa ta'ala. Sans les altérer, sans les supprimer, sans chercher le comment, et sans chercher la comparaison et la ressemblance avec la créature. Donc il fait attention aux sectes qui ont dévié dans ce domaine-là et qui se sont égarés. Toi, tu suis quoi? Le mazhab de Al-Sunnati wa Jama'a et des Sahaba. Et tu suis la voie de ceux qui nous ont suivis. Dans la compréhension des textes. Tu les comprends comme eux l'ont compris, car tu ne seras pas meilleur qu'eux. Abadan. Min hadhihi al-ayat, mathalan, qala Allah azza wa jal, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vous voyez, ne donnez pas à Allah d'exemple, à lui faire ressembler à autre chose, car Allah sait et vous ne savez pas. وَقَالَ عَزَ وَجَلْ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il n'y a rien qui est comme lui, et il est l'audient et le clairvoyant, c'est-à-dire parfaitement. Donc il n'y a rien qui est comme lui. Quelqu'un va dire, naam, si Allah dit qu'il a une main, je refuse. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il n'y a rien qui est comme lui. On dit, c'est quoi la suite du verset? وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Il entend, il voit. Tu vois pas, tu t'entends pas toi. Il va dire si. Donc tu vas faire quoi? Tu prends un verset, tu coupes une partie, tu laisses l'autre. T'as pas le droit. Afatu'minuna bi'ba'dil kitab wa takfuruna bi'ba'd. Hein? Parce que vous croyez une partie du livre et vous mieux croyez une autre. Ça, ce n'est pas permis. Donc ce verset-là te montre bien qu'il n'y a rien qui est comme lui, mais qu'il a affirmé des choses dont tu vas entendre une ressemblance avec la créature. Donc comment tu vas comprendre le verset? Qu'il a telle chose dont l'appellation sera la même. Le sens sera le même, mais le comment sera différent. Et le comment, on ne le connaît pas. Et on n'a pas cherché à savoir comment il est. Hein? On n'a pas cherché à savoir comment il est. وَأَطْلَقَ الْمُؤَلِّفُ الْتَرْجَمَ وَلَمْ يَحْكُمَ لَا جَاهِدِ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ وَحُكْمُهُ الْكُفْرِ. Donc il a dit que le mu'allif, il a donné le titre comme ça, sans en sortir du hukm. Il a juste dit مَنْ جَاهَدَ شِئَنْ نِلْأَسْمَى وَالصِفَاتِ. Il n'a pas dit فَكَذَا وَكَذَا. Donc il a dit, c'est quoi le shir, le hukm? C'est que c'est du kufr. Mais on a dit, il y a un tafsil. Ça dépend. S'il a fait un ta'wil, qui est un wajj dans la loura, il y a une shubuha, c'est pas du kufr. Ça peut être de la bid'a, de l'égarement. D'accord? Ça peut être du kufr, ça peut être autre chose. Car beaucoup de gens dans l'islam ont dévié en ce bab-là, ils n'ont pas été rendus mécréants. Parmi eux, par exemple, Zomar Shari, qui est une tête des Mu'tazila, et qui était dans l'angle arabe, c'était un imam extrêmement fort. Et bien dans ce bab-là, justement, c'est là qu'il s'est égaré. Et les ta'wilats qu'il avait, elles avaient une origine dans l'angle arabe. Maintenant, des gens ont démontré qu'il avait tort. Mais ils ont dit, l'excuser pourquoi? Parce qu'il avait une chouboite par rapport à l'angle arabe. Donc le port du mécréant, alors qu'il a eu des paroles de kouf, des choses qu'il a reniées, qu'on ne verra pas Allah yom al-qiyamah. Alors qu'il y a des versets qui le disent bien. Il y a des hadiths qui le disent clairement, qu'on verra Allah. Lui a dit non, tu ne le verras pas. Tu ne le verras jamais. Mathalan. Il est venu quoi avec ta houlette par rapport à la langue arabe? Pour te dire que des gens disent la langue arabe, tu l'apprends de n'importe qui, ou ils sont prêts à prendre la langue arabe à tout prix, ben regarde bien la langue arabe, elle peut t'égarer. Tu ne prends pas chez des gens de. Quand un bon mortakod, ils vont t'égarer. C'est l'une des grandes portes d'égarement, la langue arabe. Pour celui qui ne prend pas cette science auprès des gens aptes et de confiance. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن et eux ils croient au Rahman. Donc là il veut dire quoi par là? C'était arrivé lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait le pacte de Hudaybiyah. Il y a un homme qui s'appelle Suhail ibn Amr qui est un Quraishite qui est venu pour essayer de faire un accord avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait qu'il venait pour faire le Hajj avec les Sahaba. Ils étaient venus et eux ils ont voulu faire un accord pour qu'ils reviennent plus tard, à un autre moment. Ils ont fait un accord. Mohim, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a signé l'accord, il l'a dit, il a commencé en disant Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il lui a dit, c'est qui le Rahman? On ne connaît pas le Rahman. On ne connaît pas le Rahman, nous. Donc le verset est descendu par rapport à ça. Il a renié le nom du Rahman. Et après, des gens apparentés à l'islam suivent la même voie en reniant les asma d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'est attribué à lui-même de façon claire dans son livre et dans des hadiths authentiques. Donc le fait d'avoir renié le Rahman, cela montrait qu'ils ont mécru. وقال وفي الصحيح البخاري قال علي حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله. Il dit, Ali, radiallahu anhu, parlez aux gens parce qu'ils comprennent. Est-ce que vous voulez que Allah et son messager soit démenti? C'est-à-dire que les gens, tu dois leur parler d'une façon compréhensible et claire. Car les expressions que tu vas employer, les termes que tu vas employer, peuvent les amener à être à s'égarer. Et là, à Wallen, qu'est-ce qu'on comprend de ce terme? C'est que Allah SWT nous a fait un avec des paroles qu'on comprend. Dans ces asma ou asifat, on comprend le sens. Quand Allah dit qu'il a une main, on sait quoi une main. Quand Allah il dit qu'il a un pied, on sait quoi un pied. Quand le Nabi sallallahu alayhi dit que c'est pas un borgne, on sait quoi un borgne. Quand Allah sallallahu alayhi dit qu'il entend, on sait ça veut dire quoi entendre. Qu'il voit, qu'il parle, tout ça, on sait ce que ça veut dire. Il nous a parlé avec un langage que l'on comprend très bien. Et même en arabe, les traductions sont trouvables de ces termes-là. Donc si Allah te dit qu'il parle, t'as pas à dire non, il parle pas. Maintenant, comment il parle? Le comment, il t'a expliqué que Leïsa Kamisli Ishe, il n'y a rien qui est comme lui. Donc tu ne pourras pas savoir comment il parle. Bien qu'il parle avec une voix, quand même, et avec des paroles claires. Comme il a parlé à Moussa, alayhi salam, il a parlé à Adam, il leur a parlé de vive voix. Il a parlé à Moussa de vive voix. Dans quelle langue, ça on ne sait pas. Cheikh Ibn Hazm l'a été interrogé, parce qu'il parle en arabe, on l'a dit. Il a dit, il lui a parlé d'une parole qu'il comprenait. Parce que Moussa, alayhi salam, ce n'était pas un arabe. De Bani Israël, il ne parlait pas l'arabe. Donc comment est-ce que l'Allah lui a parlé? D'une parole qu'il a compris. Baisse. Naam. Donc les gens, quand tu lui expliques les choses dans des hadiths qui sont subtils à la compréhension, éclaircis-les bien. Ne les laisse pas comme ça. Tu dis un hadith sur un sujet qui est ambigu pour ceux qui n'ont pas étudié ou quoi, et après tu pars. Non, explique-lui bien pour qu'ils comprennent le hadith. Il ne faut pas qu'ils s'égarent. Car après, tu nous rends des wasawis dans la tête. Le hadith, il est vrai, mais lui, tu ne peux pas expliquer qu'est-ce que le hadith il voulait dire par là. Donc, quelle que soit la langue que tu emploies lorsque tu parles aux gens, arabe, français, anglais, réalisateur, comme le chéri le dit lui-même, emploie des termes compréhensibles pour les gens. Fais des métaphores, si tu en mets, tu en fais, ou des comparaisons compréhensibles pour les gens, pour qu'ils aient compris. ثم قال وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك فقال ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. Donc il a dit quoi? Ils ont rapporté sur Ibn Abbas qu'il a vu un homme qui a tressailli. C'est-à-dire, il a eu une réaction montrant son inkar pour un hadith qu'il aurait entendu qui parlait des sifat. C'est-à-dire, il n'a pas accepté. D'accord? Donc, il a dit quoi, Ibn Abbas? Qu'est-ce qui a égaré ces gens-là? Lorsqu'il trouve un verset murkam, c'est-à-dire effectif, clair, il l'accepte. Et lorsqu'il découvre un verset équivoque, ils se perdent. Alors que c'est le même qui parle. C'est la parole d'Allah. C'est le même créateur et c'est le même mutakallim à ce moment-là. Donc tu ne peux être clair ou être, on va dire, serein à ce moment-là et perturber et démentir à un autre moment. Tu ne peux pas. Ou plutôt, non, c'est pas ma faraka haoula, c'est plutôt qu'est-ce qui leur fait peur en fait. C'est pas qu'est-ce qui les égare. C'est qu'est-ce qui leur fait peur à ces gens-là. Mithalan, Allah dans le Coran, il te dit que c'est lui le khaliq, qu'il a tout créé. Les gens acceptent. Que celui qui donne la vie, ils acceptent. Que celui qui donne la mort, ils acceptent. Que celui qui, la salaine, octroie le risque, ils acceptent. Après, dans le Coran, il te dit Bel yadahu mabsutatani. Ses deux mains sont largement ouvertes. Hop, là, il se bloque. On dit pourquoi tu te bloques? Il dit Allah, elle a dit ses deux mains. Je dis alors, dans votre verset, tu as dit c'est lui qui donne le risque, t'as accepté. Pourquoi là, il te dit que ses deux mains sont grandes ouvertes? Tu n'acceptes plus. C'est le même livre et c'est le même Rab qui a parlé là. Il n'y en a pas deux. Donc si tu as accepté là, accepte là ici. Par contre, ce truc qui te pose problème, va demander à un alim à ce moment-là. Ah mais là, tu rejettes tout de toi-même, tu fais une car, tu as ta code d'homme, tu fais passer ton aql, ta compréhension sur le wahi, ça c'est un bab qui khatir jiddan. ثم قال ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن انكروا ذلك فانزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. Et ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Par rapport à Souhail ibn Amr. Ah, j'ai oublié de prendre les Masail. Hein? Ça va être la vanne. Sahel. Non, allez, c'est pas grave. Quand dans la machin, pas allez. Alors, aujourd'hui, les Masail, on ne pourra pas lire. J'ai oublié le livre car on ne les a pas dans ce livre-là. Al-Muhim. À comprendre ce bébé-là, que tu n'as à rejeter rien du tout de ce qu'Allah Spontala a affirmé dans son livre et sur la langue de ses messagers par rapport à ses noms et attributs. D'accord ? Et tu n'as pas à les altérer, à les interpréter ou quoi que ce soit. Tu les prends comme ils sont venus. Le sens, il est connu. Quand Allah te dit Samir, on sait quoi Samir ? Qu'il entend. Maintenant, son Sam, comment il est, ça ne te revient pas. Laïsa kamithli shay, il y a rien qui est comme lui. Donc on ne voit pas ton ouïe à toi et son ouïe à lui. Elles ne sont pas les mêmes. Taïb. Souma qu'a al-bab, qu'allah ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi, thumma yunkirunaha, wa aktharuhum al-kafirun. Qu'ils reconnaissent le bienfait d'Allah, puis ils les renient, et la plupart d'entre eux sont des mécréants. Al-Mu'allif, par ce bab, c'est quoi le shahid de ce bab, comme l'a dit Cheikh Othaymin, c'est que là, les gens ont attribué la ni'ma au sabab, et non pas au musabib, celui qui a fait la cause. Donc cela se rentre à quoi ? À un manque de choukr, de reconnaissance, ce qui s'oppose à l'iman, au tawhid. C'est-à-dire qu'ils sont reconnaissants envers la cause et non pas envers celui qui a mis cette cause-là en place. Car tout vient d'Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Vous n'avez pas de bienfait, ce n'est pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Un exemple extrême, demain tu viens à titre à échelle humaine. Demain je viens, j'ai besoin d'aide. Je te demande, il y a Sofiane, cette valise elle est lourde, est-ce que tu peux m'aider à la porter ? T'es là, c'est... T'es apte. Non, tu prends la valise, tu t'en vas. Tu vois. Après, je viens, je te regarde, je prends ta main et je dis, je la remercie ta main. Et toi, je te dis rien du tout, toi. Après, je vois les gens, je fais la main à Sofiane, elle m'a porté ma valise. C'est grâce à la main à Sofiane, ma Thalène. Comment tu vas la prendre, toi, à ce moment-là ? Hein ? Si tu me dis ça, je pense que tu serais étonné. Tu me prendrais pour un fou. Ah, t'arrives. Ça, c'est chez l'humaine. Là, je te compare pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais comprendre quelqu'un la réaction qu'on va prendre. Alors maintenant, on te dit quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé plein de bienfaits et lui remercie la créature et pas le créateur. C'est encore plus immense. C'est-à-dire, si tu n'arrives pas à l'accepter à l'échelle humaine, alors que dire à l'échelle divine ? Et là, comme on dit, on parle aux gens comme ils comprennent. Donc, faire cela, c'est un. Tu ne remets pas la ni'ma à celui qui a accordé cette ni'ma pour de vrai. Et toute la ni'ma, elle vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il dit quoi, Cheikh Ibn Baz, quand il arada al-mu'allif al-hath ala l'i'tiraf bi ni'ami Allah wa shukri subhanahu wa ta'ala ala zalika, lina kathira min al-nas kod yashghal an hadha fayatamatta bi ni'ami Allah wa lakinahu la yashkuruhu bel yunsibuhu ila asbabihi وقوته وأعماله نحو ذلك ويغفل عن المنعم المنعم سبحانه وتعالى ولو شاء الله لصلبه الأسباب وصلبه القوة فهو الذي أعطاه السمع والبصر والذكاء والحذق وغير ذلك. Donc le mu'allif, il a voulu par là nous appeler à reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous et le remercier. Car beaucoup de gens, justement, sont distraits de cela. Il ne faut pas attention à cela. Ça veut dire qu'ils jouissent de ses bienfaits, mais ne remercient pas Allah et attribuent ses bienfaits à autre que lui. Ben, il va dire, ça c'est grâce à moi, grâce à ma force, voyez, grâce à mon intelligence, grâce à Kaza et grâce à Kaza. Et si Allah, cette intelligence, qui c'est qui te l'a accordé ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Cette force, qui c'est qui te l'a accordé ? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Quand des fois, tu as des gens, souvent, on me rappelle, ils nous apprenaient cela avant dans le Kouf, à l'époque du Kouf, qu'un tel est parti de rien, c'est devenu un grand homme d'affaires richissime. Il a dit tout ça je le bâtis de mes mains. Je ne dois rien à personne. J'ai commencé en bas de l'échelle et je suis arrivé chez moi le patron. Grâce à mon travail et à mes efforts. Il apprend tout le temps ça. C'est grâce à lui. Donc, et le shir précise bien Hadha min khalq khuluq afwan Hadha min khuluq al kafirin. An yakul mathalan Hadha mali warastuhu min abi min abai afwan wa ma jba dhalik. Ça, c'est typiquement le comportement typique des koufars. Tous les bienfaits qu'ils ont, ils vont toujours essayer de faire en sorte que ça leur revienne à eux. Ça, c'est mon argent à moi. Je l'ai hérité de mon père. Ça vient dans le hadith d'Abi Huraira avec les trois de Bani Israël. On va en parler plus tard. Comme c'était le cas de Karun. Amt, Karun, qui était un homme richissime, qui attribue cette richesse à lui-même. C'est obtenu par rapport à ma science, par rapport à moi. Thumma qala, qala mujahidun, al-mu'allif, qala mujahidun, ma ma'nahu, huwa qawl ar-rajul, hadha mali warathtuhu min an abai. Donc justement, il explique le verset. Mujahid, qui était parmi les grands mufassirin, il a dit le sens de ce verset, c'est que c'est la parole de l'homme qui dit ça, c'est mon argent, je l'ai hérité de mes pères. وقال عون ابن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا. Qu'il a dit quoi? Ils disent si ça n'avait pas été un tel, ça n'aurait jamais été comme ça. Et ça, le bab de l'eau, ça va venir également dans le livre. Bab, yani ma jaa fi l'eau. Le fait de dire si. Et ce n'est pas n'importe quel si. Ça, c'est une erreur. Le bienfait que tu as, il faut que tu le rendes à celui qui te l'a accordé, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car si demain il veut, il t'enlève tout. Wa qala ibn Qutaybah yaqulun hadha bi shafa'at alihatina. Ils disent également, cela c'est par la cause de l'intercession de nos divinités. Et t'en as pareil, des fois il arrive une chose, ils vont dire c'est grâce à telle chose, c'est grâce à telle chose. Et les mouchidekoun vont dire c'est grâce à ma divinité. Ou c'est Marie qui me l'a accordé. Ou c'est Jésus qui me l'a accordé. Ou c'est kaza. Donc là, il est obligatoire au muslim, an yata'addam ma rabbihi, qu'il se tienne bien avec son Seigneur. Et que les ni'am que Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé, qu'il le reconnaisse. Et Allah il dit bien que si jamais tu le reconnais, si jamais tu... L'an shakartum la zidannakum. Si jamais vous remerciez, je vous ajouterai. Ou an kafartum inna azabi la shadid. Si jamais vous êtes ingrat, mon châtiment est certes dur. Wa qala Abu al-Abbas. Man Abu al-Abbas? Ibn Taymiyyah, ahsant. بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه إن الله تعالى قد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث قد تقدم وهذا كثير في كتاب والسنة يذم سبحانه وتعالى من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. Donc Abu Abbas ibn Taymiyyah رحمه الله تعالى dit quoi dans le hadith de Zayd ibn Khalid lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a dit lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait la salatu fajr qu'il avait plu votre Seigneur il a dit. Ils ont dit, Allah et son messager sont plus savants. Il a dit, votre Seigneur a dit, que parmi mes serviteurs, certains sont devenus mécréants et d'autres croyants. Celui qui dit que cela est par la grâce d'Allah, c'est-à-dire la pluie qui est venue, celui-là, il croit en moi, mais il croit aux astres. Et celui qui dit que cela est venu par le pied des astres, celui-là, il croit en moi, il croit aux astres. C'est exactement ça. On l'a vu, comme il le dit lui-même. Mais le hadith, on l'a déjà cité auparavant. Donc lui, celui qui fait cela, fait du shirk, car il a associé Allah dans. Il a accordé ce don et cette grâce à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et on dans le shirk. Wa qala ba'd as-salaf huwa ka qawlihim kanat rih tayyibatan wal mallah hadhikan wa nahwa dhalika mimma huwa jarin ala asnat kathir. Et certains salaf disaient quoi? Ça ressemble à la parole que les gens disent. Beaucoup de gens disent. Les gens qui prennent un bateau et que le voyage se passe bien, ils disent quoi? On avait un bon vent et le capitaine, on va dire le marin qui tenait le bateau, était habile. C'est pour ça qu'on a fait un bon voyage. Ce que beaucoup de gens disent. Par exemple, des fois, aujourd'hui, on prend l'avion. Quand l'avion atterrit, les gens, ils applaudissent. Ils aiment trop le pilote. On dit, on est parti sain et sauf. On est arrivé sain et sauf, c'est grâce au pilote parce qu'il est fort. Et par la compagnie aérienne, parce qu'ils ont bien surveillé, ils ont bien casé. Ça, c'est des asbèbes qui ont été faits. Mais c'est Allah qui fait que l'avion il vole dans le ciel. Et si Allah il veut demain, l'avion il tombe tout de suite. T'auras beau faire toutes les causes pour regarder si l'avion était bien vérifié, bien contrôlé, que t'es le meilleur pilote du monde. Allah s'il veut, tout ça, l'avion il s'écrase et vous tous dedans. Donc à ce moment-là, En plus, tu es en train de mourir. Et en plus, c'est un accident. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont s'en prendre à la compagnie aérienne. C'est le pilote. On regarde la boîte noire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et des fois, il n'y a rien. C'est une chose qui arrive. Quand dans la majafarelle, tout a été fait en norme, dans les normes, non, il faut un responsable. Comme ils ne croient pas en l'aspantala ou au Qadar, il faut un responsable. Des fois, non, mais un responsable. Il y a quelqu'un qui a fait une erreur et qui est négligent. Et des fois, quand dans la majafarelle, ça arrive. Ça arrive. Non, il le faut un responsable. En toute chose. Comme tu le sais, même demain, il y a un tremblement de terre, il faut un responsable. Il y a un ouragan, il faut un responsable. Il y a une tornade, il faut un responsable. Il n'y a même pas les choses à Allah. Ils ne disent pas que c'est Allah qui nous a punis ou qui veut nous faire un rappel ou quoi. Non, il y a quelqu'un qui a mal fait son travail. Ça, c'est Adib. Les koufars, ils ne reconnaissent pas. Ça même. Ni les bienfaits, ni même les masaïb. Ils ne les reconnaissent pas. Jusqu'au bout, c'est Juhud et Inkar. Donc là, beaucoup de gens, ils parlent comme ça, comme l'Adib, c'est un salaf, qui remettent la cause à d'autres choses qui sont elles-mêmes des causes, et ces causes, c'est Allah SWT qui les a accordées. Donc, en premier lieu, ce bêbe-là ne veut pas dire que tu ne remercies pas les gens pour ce qu'ils ont fait. On l'a déjà appris auparavant. La ni'ma, tu le remets à Allah SWT, parce que c'est lui qui a fait que cette cause t'est parvenue. Après, quelqu'un t'a fait un bien, bilachek que tu le remercies. Et ce remerciement, t'es wajib. Ce remercier cette personne-là, ça revient à remercier Allah, comme on l'explique dans le hadith. Man, la meshkoulin nas, la meshkoulillah. T'as pas remercié les gens, t'as pas remercié Allah. Ce remerciement des gens, et un remerciement envers Allah SWT. Car cette cause, elle est là. Cette personne a fait un effort pour toi. Tu le remercies. Et lui-même qui t'a aidé, il sait, il va dire Adam in Allah. Des fois, un frère vient, ça d'accord à un frère. Il dit tiens, le frère le remercie trop. Oh, j'étais trop en besoin. L'argent, il m'est venu au bon moment. Je te remercie trop. Et non, tu remercies Allah. C'est là qu'il a vu que ça, je ne m'y parviens. Moi, je suis une cause. Mazak al-Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, il n'aman al-Qasim, Allah wa al-Mu'ti. C'est Allah qui donne, moi, juste, je partage. L'argent ne vient pas de moi. Pour que les sahaba ne mettent pas seulement ce terme à qui? Au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Donc là, on a pris le bèbe qui nous apprend à remercier des bienfaits et le remettre au Créateur. Et pas autre que lui. Il le remettre autre que lui sur les deux shirks. Et pareil, là, on n'a pas le livre pour prendre les fawa'id, les masa'il. Malal asaf. Fanaqtafi bi'ada wa alhamdu lirabbil alamin.